et je l'ai la vie. Chemine et crache de la suie. Mais putain qu'est-ce que ça reviendra à nouveau sur tes pas.